mange drie pandeme. Ba de mo au tu dwe. Kon a dwe tu pya. A sha ye le mya. Do me male dine hido. Ni on ton dans tes chaînes. Ma douille est en zardoui. Que pas I'm